what? J'suis dans le Cayennaise, j'ai violé dans ma liasse. T'en as foutre qu'on me lèche, te boycotte meuf si tu m'as lassé. J'suis Géchard comme la massa, dans ma tête c'est la mafia. Mais là j'sais pas ce qu'elle m'a fait. Ce soir c'est full mala, mais la quiche t'as dans sa kermesse. 36 dans la cova, à côté d'une vraie chétana. On a hagras hakar, il reste 800 sur mes sapates. Fais pas le grossisme, maïa, soirée vibe, ça date, ça date. J'sais plus ce que j'disais, mais là j'ai teasé. J'allais spilote l'auto. Pour faire des millions, on a des plafonds, on compte pas sur l'auto. J'sais plus ce que j'disais, mais là j'ai teasé. J'allais spilote l'auto. Pour faire des millions, on a des plafonds, on compte pas sur l'auto. Que des bandits dans nos assos. On vend qu'ils pendent. Tu parles au bigot, au bigot, au bigot. Faut tenir ta langue, amigo, amigo, amigo. Tu parles trop au bigot, au bigot, au bigot. Faut pas que tu crames nos bigots, bigot, nos bigots. J'arrive en claquette, pas besoin de mocassin. J'fume sur des plaquettes, celle t'as mes cousins. La rue, la prison, sans la Genèse, Marrakech, Gaza, Palestine, Gaza. Ouhou, Katazou, tu connais Belleville Zoo. On a mis des risous, vélo, Zaya, Picsou, happy. Viens me faire un bisou, mes cartons s'hurés. Ton tiramitsu, Mitsubishi, porte de clichy. La Tifi, Sab la Chichi, paranoïaque, j'fume trop de chi, paranoïaque, espèce d'abruti. Béni par nos mères, là on est pas maudit. Gros, les arrivants, c'est pire qu'un Dodi. Freco, plein de 16, RS4 Audi, 96, Bruno Ngoji. Ouais, ouais, da, ouais, j'parle de la finale, des fois la gloire. Moi, je la vis mal, j'viens prendre deux piges pour un petit snap. Pendant que les médias salissent l'islam. J'sais plus ce que j'disais, mais là j'ai teasé. J'la laisse pilote l'auto. Pour faire des millions, on a des plafonds, on compte pas sur l'auto. Que des bandits dans nos assos. On vend qu'il pendant. C'est cher pour nous, c'est gratos. C'est pour nos carnats, pour nos vatos. Pourquoi tu parles?